Chapitre 14. Le père Kouzma fut très frappé de l'abandon de ses fils, et sa colère légitime se trouva mêlée de beaucoup de chagrin. Il sentait vaguement qu'il n'avait pas montré envers Demian assez de tendresse, et en même temps assez de sollicitude. Sans s'en rendre compte bien nettement, il croyait qu'il avait eu tort de laisser le jeune garçon grandir en liberté, presque sans règles et tout à fait sans devoir. Il était incapable de sentir la force du sentiment artistique qui entraînait son fils dans une autre carrière, mais il pouvait comprendre qu'il fut trop tard pour plier au joug du séminaire cette tête qui jusque-là n'avait connu d'autre loi que son bon plaisir. Le résultat de ses réflexions fut de mettre plus d'amertume au cœur du pauvre homme, mais aussi plus d'indulgence, et quand M. Roussoff, après avoir laissé passer le premier flot de la colère, revint à la charge et lui demanda ce qu'il comptait faire en présence du fait accompli, le prêtre lui répondit qu'il ne pouvait pas laisser ses fils mourir de faim. « Je le pense bien, » répondit tranquillement le médecin, « mais ils ne mourront pas, soyez-en certains, ils ont trop bonne envie de vivre. »« Si seulement ils m'avaient laissé mon Victor, » soupira le père. « Oui, vous avez toujours une préférence pour votre premier-né. C'est cette préférence qui éloigne de vous le plus jeune. On est puni de ces injustices-là, père Kouzma, et rudement puni. » Victor s'est attaché à Demian, précisément parce qu'il éprouvait, sans s'en rendre compte, le besoin de réparer votre injustice à l'égard de son frère. Et aujourd'hui, l'aîné a suivi le plus jeune pour lui remplacer le foyer absent. « C'est vous qui êtes la cause de tout, » gronda le prêtre d'un air chagrin. « Si vous ne lui aviez pas donné un violon, rien de cela ne serait arrivé. » « Alors il serait arrivé autre chose, » répliqua philosophiquement le docteur. « Mais vous pouvez être assuré que Demian ne serait jamais devenu un mouton de votre troupeau. » Sans s'arrêter à l'irrévérence de cette métaphore, le père Kouzma soupira et promit d'envoyer 10 roubles par mois à ses fils pour les aider à vivre, aussitôt qu'il lui aurait fait parvenir leurs excuses. De plus, il s'engagea à le laisser pendant 2 ans essayer de se suffire à l'aide de ce léger secours et de n'user de son autorité paternelle pour les rappeler auprès de lui que dans le cas où leur conduite serait répréhensible ou scandaleuse. Quand l'annonce du succès de leur aventure arriva aux 2 frères, ils étaient occupés à s'installer dans une chambre extrêmement modeste, située dans un quartier populeux de Moscou. Malgré l'exiguïté de leurs prétentions, ils n'avaient pu aborder les chambres particulières à cause du prix, et force leur avait été de se rabattre sur les garnis où on loue des coins. Un lecteur français se figurera difficilement qu'on puisse louer un coin et non une chambre. Cette chambre fut-elle un cabinet étroit comme un corridor, sans feu, sans air, mais munie au moins d'une porte, qui donne à l'occupant l'illusion et la vanité de la solitude. Cependant, les logements russes, même les plus pauvres, étant généralement composés de pièces très grandes, mal disposées, qui se commandent sans couloir ni dégagement, il a bien fallu admettre que les habitants de la dernière pièce en enfilade passaient par toutes les autres chambres quand bon leur semblerait. Alors, pour pallier à cet inconvénient, on a imaginé des cloisons mobiles, non des cloisons à proprement parler, mais des séparations formées soit de paravents, soit de rideaux d'étoffe soutenus par des tringles, ces tringles portées elles-mêmes par des colonnettes en bois tourné d'un prix très minime et d'un effet gracieux. Les propriétaires de garni ne devaient pas s'arrêter en si beau chemin. Une grande chambre prend monsieur tout seul, mais on n'y gagnerait pas seulement de quoi mourir de faim. Étant donné un loyer de, il ne suffisait pas de gagner tant sur l'ensemble du loyer, il fallait encore que chaque pièce rapportât le maximum. Grâce au système des séparations, on mit 2 lits dans une chambre, puis 3 et finalement 4, un dans chaque coin, quand la pièce avait le bonheur de ne pas posséder son poêle précisément dans un angle, ce qui malheureusement pour les maîtres de garni est la règle presque absolue. D'ailleurs, il est des accommodements avec bien autre chose que le ciel, et comme un coin ne signifie pas toujours un angle droit, on fit des coins dans les angles aigus, entre le poêle et le mur. Seulement, cela se loue moins cher. Les plus estimés sont auprès de la fenêtre parce qu'il y fait plus clair. Cependant, en hiver, les coins de fenêtre tombent légèrement en discrédit à cause du froid. Les 2 jeunes gens avaient espéré pouvoir se procurer une chambre où il n'y aurait que 2 coins, et où par conséquent, ils seraient seuls ensemble. Mais celles-là sont très recherchées, et ils ne purent en trouver. Leur séjour dans l'hôtel où ils étaient descendus ébréchaient considérablement leur modeste fortune. Ils se décidèrent à accepter des coins dans de plus vastes logis, et ayant vu un jour collé à une fenêtre un petit morceau de papier portant ces mots « Allouer deux coins pour deux jeunes gens tranquilles », ils s'entre-regardèrent en souriant. « Sommes-nous des jeunes gens tranquilles, Victor ?» demanda Demian. « Je crois que oui, » répondit le bon garçon, et ils entrèrent. Le marché fut conclu après quelques pourparlers touchant la question d'argent, et le soir même, ils se virent en possession de leurs lits respectifs. Les locataires des autres coins firent leur apparition vers 9 heures. L'un était un étudiant en médecine qui cachait soigneusement ses opinions nihilistes, car elle l'avait déjà fait renvoyer d'une quantité considérable de coins. L'autre était un apprenti pelletier qui rapportait dans ses habits la plus abominable odeur de fourrure. Mais ni l'un ni l'autre ne parurent mécontents de la physionomie de leur nouveau compagnon. « Vous êtes du clergé ?» demanda l'étudiant à Victor après l'avoir contemplé une minute sans mot dire. « Oui, » répondit-il innocemment. « Pourquoi ?»« Cela se voit tout de suite. » Ce fut le seul éclaircissement que put obtenir le jeune homme. Les deux anciens coins se mirent à fumer d'abominables tabacs à bon marché, ce qui rendit Victor très malade, mais il n'osa rien en témoigner. Demian avait aussi froncé le sourcil, mais pour combattre la nausée, il accepta une cigarette de son voisin l'étudiant, et ce moyen homéopathique lui réussit parfaitement. « Eh bien, on n'est pas trop mal, » fit le jeune musicien le lendemain en se réveillant, quand il s'aperçut que les deux autres coins avaient disparu, sans doute pour vaquer à leurs occupations journalières. « Non, pas trop. Si seulement il voulait bien ne pas fumer cet abominable tabac qui sent le chou, » dit le pauvre garçon en souriant. « On s'y fait, tu verras. Nous allons prendre un verre de thé pour nous consoler. Et puis j'irai à la poste voir s'il y a des lettres. » 2 heures après, il revint de la poste avec un visage si joyeux que Victor resta bouche béante devant lui, n'osant questionner. « Le père a pardonné, » fit Demian, en entrant d'une voix contenue, mais chaude et vibrante. Victor se précipita au cou de son frère et fondit en larmes. Ils s'assirent tous deux sur un des lits, Demian tenant son aîné toujours embrassé. « Pardon, pardon, » murmura-t-il. « Ce n'est pas ma faute, Demian. Je ne voudrais pas te faire de peine, mais j'étais si triste en pensant que le père était fâché contre nous. Je ne t'en ai rien dit tout le temps, mais c'était lourd sur mon cœur, oh, si lourd !» Il poussa un gros soupir, puis s'essuya les yeux et sourit à son frère. « Tu es un ange, » dit celui-ci, « et moi je ne suis qu'une bête. J'aurais dû songer au chagrin que tu devais avoir, tandis que depuis notre départ je n'ai songé qu'à la musique. « C'est bien naturel, » fit Victor, excusant Demian, comme toujours. « Pour toi, la musique est la grande affaire. Que dit notre père ? Lis-moi sa lettre. » « C'est M. Roussoff qui écrit. Nous allons tout de suite demander pardon au père et il nous écrira lui-même. Et sais-tu, il nous enverra 10 roubles par mois. « Qu'il est bon, » murmura Victor. « Nous l'avons offensé, et non content de nous pardonner, il veut bien nous venir en aide. » Demian n'avait point considéré la chose à ce point de vue. Il devint grave et médita quelques instants. « Il est bon, » dit-il enfin, « et je vais lui faire mes humbles excuses pour moi-même et pour t'avoir emmené sans permission. Si tu t'en repens, Victor, il faut t'en retourner. Nous avons encore assez d'argent pour ton voyage. Je ne voudrais pas te savoir ici pendant que ton cœur serait là-bas. » Victor ne répondit pas sur le champ. Mais quand il leva les yeux sur son frère, une ferme et franche résolution brillait dans son regard. « Je resterai avec toi, frère, » dit-il. « À présent que le père a pardonné, je n'ai plus de remords, je n'ai plus de chagrin. Je suis content d'être avec toi et de pouvoir t'aider à vivre pour l'avenir. » Les deux frères se saisirent les mains et se regardèrent avec une tendresse et une confiance nouvelles. La lettre fut bientôt écrite et mise à la poste, puis, après un petit tour de promenade, nos amis rentrèrent chez eux. Leur dîner se composait de thé, de pain et de fromage, car il leur était impossible, tant qu'ils n'auraient pas touché le premier mois de leur leçon, de se procurer un ordinaire plus coûteux. Mais l'appétit de leur âge et les bonnes nouvelles reçues le matin firent trouver ce régal délicieux. « À présent, » fit Demian, quand ils eurent dévoré les dernières miettes et mis leur théière à sec, « je vais vous donner un petit concert. Les doigts me démangent, depuis plus de 8 jours que je n'ai touché à mon violon. » Il plongea dans la fameuse malle, au risque d'en troubler la savante économie, et en retira le précieux objet, accompagné de sa méthode qui ne le quittait guère. Les pages étaient usées au coin, mais Demian savait les exercices par cœur, et s'il regardait le cahier en travaillant, c'était purement par esprit de discipline. Il se fit un pupitre avec le samovar et commença consciencieusement les premiers exercices. Il ne jouait pas depuis 2 minutes qu'un gémissement se fit entendre derrière la porte. N'y prenant pas garde, il continua. Un second gémissement, accompagné de profonds soupirs, suivit le premier sans perdre de temps. Surpris, il s'arrêta, l'archer en l'air. Le silence se rétablit. Après un instant, consacré à se persuader qu'il avait mal entendu, Demian reprit ses exercices. Ce ne fut pas un gémissement qui lui répondit, mais une plainte modulée, qui commençait comme un bâillement, continuait comme une porte qui se ferme contre son gré, et se terminait en un hurlement effroyable. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Demian en s'arrêtant encore. Personne ne répondant, il reprit son archet, mais au moment où il effleurait la corde, le même bruit se répéta. « C'est le chien de la propriétaire !» s'écria Victor en courant à la porte. Un affreux épingle noir entra, roulant des yeux en boule de loto, comme dit le peuple, à fleur de tête, disent les gens du monde, d'une façon beaucoup moins pittoresque. Gros, vieux, poussif, légèrement rongé sur le dos, cet être disgracié de la nature entra, s'arrêta au milieu de la chambre et regarda nos amis. « Tu veux entrer ?» lui dit Demian. « C'est bon, assieds-toi là et laisse-nous tranquilles. »« Bing !» fit l'archet sur la note la plus grave. « Wouh !» répondit le chien en levant son nez vers le ciel en une ligne complètement verticale, si bien qu'on ne voyait plus sa tête cachée par son cou gras et pelé rose par place. « Il n'aime pas la musique, Demian ?» dit Victor d'un air consterné. « Va-t'en alors, » fit notre ami. « On n'a pas le droit de ne pas aimer la musique. » Mais le chien n'avait pas envie de s'en aller, et à l'invitation pressante qui lui en fut faite, accompagnée d'une démonstration encore amicale mais déjà énergique, il répondit en montrant les dents et en restant obstinément assis. « Donne-lui du sucre, » suggéra Victor, qui n'aimait pas les moyens violents. Avec quelques regrets, car le sucre est cher, Demian prit un morceau de la précieuse substance et l'offrit au chien. Celui-ci se laissa y conduire, et après avoir fermé soigneusement la porte, le jeune musicien retourna à son violon. Au bout de 2 mesures, les appels les plus déchirants firent retentir la maison de la cave au grenier. Mais Demian était décidé à ne pas en tenir compte, et invitant Victor à se boucher les oreilles, il s'escrima de son mieux pendant 5 minutes. Tout à coup, la porte s'ouvrit, et la propriétaire entra blême de fureur, son chien sous le bras. « Il n'y a pas de bon sens, » s'écria-t-elle, « à faire crier une pauvre bête de la sorte. Qu'est-ce que vous êtes venu faire avec votre musique? Je n'ai ici que des gens tranquilles, et je vous défends de jouer du violon, entendez-vous ? Vous auriez dû l'écrire sur votre papier collé à la fenêtre, » répondit Demian, qui sentit la colère lui monter au visage. « Ça y était, monsieur. »« Comment, ça y était ? C'est que je ne sais pas lire, alors. »« Oui, monsieur, ça y était. Il y avait qu'on ne voulait que des gens tranquilles. »« Eh bien, nous ne sommes pas des gens tranquilles ?»« Non, on n'est pas des gens tranquilles quand on joue de la musique. Et quelle musique ? Encore si c'était du piano, au moins on sait ce que c'est. » « Est-ce que votre chien aime le piano ?» demanda tranquillement Demian. « Il ne peut pas le souffrir, le pauvre chéri. Mais vous allez finir ou bien vous vous en irez ?»« Nous nous en irons, chère madame. Je serai désolé de contrarier votre chien. » Quand elle vit le jeune homme s'y décider à ne pas céder, la propriétaire fut moins belliqueuse. « Il s'y accoutumera peut-être, » dit-elle, « ce cher trésor. Essayez, mais s'il ne s'y accoutume pas, il faudra vous en aller. » Le trésor ne s'y accoutuma point, au contraire, et au bout d'une demi-heure, Demian déclara qu'il aimerait mieux marcher sur les genoux que d'écouter plus longtemps un pareil concert. Mais comme ils avaient payé 1 semaine d'avance, et que nos amis n'étaient pas assez riches pour supporter 2 loyers, Demian prit son violon sous son bras, et pendant 4 jours, que le ciel clément voulut bien lui accorder sans pluie, il alla charmer les bouleaux du champ des Vierges, hors la ville, où personne ne l'écouta, et où les chiens errants ne parurent point posséder pour la musique l'antipathie de leurs congénères aux yeux de grenouilles.